Section 19 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La Lecture, tome 7e. Section 19. Janvier aux champs par G. de Cherville. Chapitre 3. Météorologie rustique. Nous avons cité un dicton ajournant au 2 février les hivers qui n'ont pas fait leur devoir en janvier. Dans un curieux travail de M. Évode Chevalier sur les pronostications de la météorologie rustique, nous trouvons un autre sixain à l'adresse des curieux qui s'inquiètent de la durée des frimas. Inutile d'ajouter que nous ne nous portons point garant de l'infaillibilité de l'oracle que voici. À la Saint-Vincent, tout gèle ou tout fend. L'hiver se reprend, où seront la dent. Ou le jour Saint-Paul, ils seront le col. Épargnons à nos lecteurs la peine de feuilleter leur almanach en commentant l'arrêt du Nostradamus en sabots. Ce serait donc le 22 janvier, Saint-Vincent, que l'hiver se casserait la dent, dont la morsure nous semble parfois si aiguë, à moins qu'elle ne continuât à nous tenailler de plus belle jusqu'au 25, jour de Saint-Paul, où, vu l'accident définitif réservé au bonhomme à la barbe hérissée de glaçons, nous pourrons dire « morte la bête, mort le venin ». D'après ce même recueil, ce jour de la Saint-Paul aurait, du reste, une influence bien autrement importante sur nos destinées que la Saint-Médard aquatique renommée. Nous ne saurions trop vous engager à étudier scrupuleusement, dans les moindres détails, la tenue qu'affectera ce jour-là notre atmosphère. Écoutez plutôt. De Saint-Paul, la claire journée nous dénote une bonne année. S'il fait vent, nous aurons la guerre. S'il neige ou pleut, cherté sur terre. Si l'on voit fort épais brouillard, mortalité de toutes parts. Malheureusement, et si décisive que soit l'intervention thermométrique de Saint-Paul, il ne réussit même pas toujours à rompre le col de son adversaire. Bien des hivers célèbres en témoignent. Sans nous arrêter au plus récent, et puisque nous sommes dans les citations versifiées, nous vous rappellerons celle qu'enregistre le Journal de l'Estoile, qui se rapporte à l'une des crises de froid les plus longues, les plus douloureuses que nos latitudes aient eu à subir et dans laquelle la gelée se poursuivit pendant 90 jours consécutifs. L'an 1564, la veille de la Saint-Thomas, le grand hiver nous vint combattre, tuant les vieux noyés à tas. 100 ans a qu'on ne veillit tel cas. Il dura 3 mois sans lâcher, 1 mois outre Saint-Mathias, qui fit beaucoup de gens fâchés. Puisse cet exemple inspirer à nos contemporains la philosophique résignation qui pourrait leur manquer. Fin de la section 19, lue par Cindy près de Lille en 2024.